Bonsoir, bonjour, bienvenue dans Le Secret du Son là-bas, une émission toute particulière, cette fois-ci Monsieur Melon, bonsoir. Un petit peu ténébreuse, mais passionnée. Mais complètement passionnée, elle s'appelle cette émission Ténèbres et Passions. Une émission qui avait déjà eu des précédents dans une autre vie. On va commencer tout de suite par un petit Delta 9. On va faire un petit Delta 9. Cavoine sévère, on se donne rendez-vous dans 1 minute 10, 1 minute 30, grand max. Delta 9. C'est parti, les amis. Delta 9, ça envoie fort dès le début, mon cher Greg, voilà, avec donc le remix, enfin, un des remixes d'un album qui était paru en 2003 chez Relapse Records par Agoraphobic Nosebleed. C'était l'album Alter State of America, et quelques temps plus tard était paru donc cette série de remix qui s'appelle ANBRX Pharmaceutical 2. Repris courant 2011 par le célèbre Grindcore Karaoke, le label en ligne spécialisé dans le grindcore et ses dérivés. Et voilà, c'est assez fameux, ça speed à mort comme vous l'avez entendu, c'est des morceaux très très brefs à l'image du Agoraphobic Nosebleed originel. On s'est écouté le Lenny D. Burger Rectal Anarchy. Clin d'œil à l'ami Lenny D, qui le pape du hardcore industriel new-yorkais, qui a signé beaucoup des disques de Delta 9 sur son label Industrial Strength. Voilà. On enchaîne, on reste dans la voinerie pure et dure avec le dernier album de Somatic Responses, Concrete Glider. Qui est énorme. Voilà. Comme ça, c'est dit. C'est dit, ça sort chez Imen, si je ne m'abuse. C'est du 2011, là aussi. Fin 2011. Fin, voilà. Fin. Les deux, trois derniers disques de Somatic sont intéressants par leur variété rythmique, leur variété sonore, toujours cette capacité à vraiment varier les dynamiques, toujours une grande grande maîtrise sonore des ambiances, et aller au bout de leurs idées, toujours, voilà. Toujours aller au bout de leurs idées, c'est ça qui est génial avec ce mec, quoi. Parfois on est plongé au fin fond des fosses subaquatiques, parfois on est projeté dans les étoiles, parfois on fait de l'équilibrisme au bord des hauts fourneaux, enfin voilà, c'est vraiment très très évocateur comme musique. On va s'écouter un des morceaux les plus durs de cet album, le morceau titre Concrete Glider, c'est parti. We'll be right back. jackass, bring your tanks and mirror blood. I know about shitbags and shame. I know a fuckload more than you realize. A fucking lot more than you think. I know where you can take a kiss, but not a bone count hug. I know you bite your fat banana fingernail. And I know why you need to shave. I know you're a slow, fussy, pathetic eater. And I know you don't sleep much. But I'll still tell you, it's helping. And I'll still tell you, you're doing the right thing. Cut Hand as the Solution, c'était donc White House sur l'album Birdseed, sorti en 2003 initialement et puis réédité quelques temps plus tard en double vinyle, superbe édition, super bien masterisé par Denny Blackham. C'est du... voilà, comment dire, extrêmement harassant. Vous fatiguerez forcément avant William Bennett, ça c'est une évidence. Ce gars-là a plus d'une ressource. Combien d'albums, ouais, voilà, ça devait être son, le 17e album à l'époque, 16 ou 17e, quelque chose comme ça. Et j'ai choisi de passer ce morceau tout simplement pour faire un petit lien avec le Cat Hands, son projet solo autour des rythmiques africaine essentiellement, son afro noise comme il appelle ça, qu'on avait écouté dans une précédente édition et puis qui vient d'être édité en vinyle en deux vinyles séparés ces jours-ci, donc c'était l'occasion de reparler de cet excellent projet qui fait le pont donc entre les musiques folkloriques et ethniques et le noise, le power electronics pur et dur, et dont ce morceau Cut Hands as the Solution donnait le nom. Voilà. On part en Belzique. Remets-moi un peu de sauce Dallas sur mes frites, s'il te plaît. On part à Liège. On va rejoindre nos amis d'Ultraphalus. Eh ben oui, ça s'invente pas. Je n'avais pas passé de morceaux de leur troisième album qui s'appelle Soulbury Again, qu'un très très très bel album de noise rock purulent. Et on va écouter, écouter un EP qui regroupe les chutes du studio de cet album. Ce EP s'appelle Headstrong et il est magnifique aussi, dans un registre un peu moins rock, on va dire. Vous allez pouvoir l'entendre. Que dire de plus ? C'est une sorte de... Ultraphalus, c'est un peu les Melvins qui auraient vraiment, vraiment, vraiment mal tourné, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils auraient consommé de trop ? Des frites sauce Dallas, justement ? Je sais pas, un truc. De la sauce Biki, Biki qui aurait vraiment tourné, quoi. Puis enfin des drogues, quoi. Enfin, et pas des trucs qui font semblant, quoi. Enfin des drogues. Et les Belges, on sait, les drogues, ils s'y connaissent, contrairement aux Californiens. Et donc, Ultraphalus, c'est pas que dans l'anus. Et donc, on écoute tout de suite un extrait. We'll be right back. un instant Ultraphalus dans le secret du son d'abat. Ultraphalus, plus fort que la bière trappiste, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est au moins du 12 degrés. Ouais, du 13. Tu dis n'importe quoi. Alors, on remonte dans le nord. Et on va retrouver nos amis de Breach. Alors, les Breach, mais blablabla, refuse. Les années 90, Burning Heart Records, blablabla, metal, hardcore, première tournée avec Neurosis, blablabla, Split. Après 4 albums. Alors, on peut dire que t'es pas l'Olivier Cachin du metal hardcore, toi. Oh bah non, oui, on va pas s'étendre. Voilà, sur Breach, tout le monde les connaît. Et un peu disparu, puis nous revoilà en 2011, tranquillou bilou. Entre temps, la mode des choses néfastes, obscures, etc. A éclos, hein, beaucoup plus qu'il y a 15 ans, on va dire. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, il faut faire du doom pour faire du fric, quoi. Je veux dire, bah oui. Doom fric. Doom pop. Et ben, Terran et Tenebrosa, c'est les anciens Breach. Et c'est pas du tout de la doom pop. C'est vrai que j'étais agréablement surpris par cet album. C'est vrai que l'artwork, les masques, etc. étaient intrigants, mais je veux dire, c'est devenu quelque chose d'assez commun. Mmh. Ces univers un petit peu... comment dire, nébuleux, opaque, avec... Voilà, intrigant. Intrigant. Terran et Brosa, ils le sont avec cet album. Et c'est vrai que la musique est à la hauteur des prétentions visuelles, graphiques. Ouais, en effet, ceux qui avaient beaucoup aimé Breach et même la fin de Breach, ils vont s'y retrouver dans cet album où on retrouve tout le travail sur les guitares, sur la puissance contrastée et retenue, je dirais. Et on va dire aussi ce qui est un peu nouveau quand même dans leur musique, c'est... Un héritage qu'ils n'avaient pas forcément exploré, qui est pourtant local, qui est les influences black. Voilà, on y vient. Et là, elles sont marquées, mais elles sont complètement digérées, évidemment. Elles sont complètement... Elles en font quelque chose de très singulier. Et c'est vrai que cet album de Terra de Nebrosa, qu'il faut... Tout sauf un album qu'il faut écouter comme ça, vite, comme beaucoup d'albums, vous allez me dire, mais celui-là d'autant plus, parce qu'on croit l'entendre, on croit l'aimer ou le détester. Et c'est un album vraiment qui est particulier, qui demande... Avec un usage de la voix notamment, qui a une voix qui est assez peu présente, mais à des moments bien précis, pas forcément mixé devant... Ni derrière. Qui est vraiment dans un entre-deux, qui est pas forcément commun, j'ai trouvé. Exactement, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Melon. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Voilà, et c'est pour ça qu'on va écouter un extrait de Terra Nebrosa, parce que au lieu d'en parler, c'est mieux de l'écouter. Thank you. We'll be right back. Generation of Vipers, dans le secret du son d'abord. La claque post-hardcore de la fin d'année 2011, mon cher Yigula. Ouais, Yigula. C'est vrai, ce petit trio-là du Tennessee, dans lequel on retrouve un petit gars de US Christmas et des gens de Storm of Light que j'apprécie pas trop. Ouais, disons, bon, Storm of Light, voilà, ça a jamais vraiment égalé le, bon, le projet du vidéaste de Neurosis qui n'a jamais vraiment été. On parle même pas des lives tout pourris. Pas hyper convaincant, mais bon, enfin voilà, il y a du beau personnel, il y a du personnel dynamique. Dans ce Generation of Vipers, c'est leur troisième album et c'est le meilleur. Hein. Moi, j'avais écouté les deux premiers, je n'avais pas gardé un grand souvenir, si ce n'est une grande efficacité. Et là, au petit passage chez Kurt Ballou, au God City, bah, je pense qu'en plus de l'efficacité réelle de l'album, sa puissance, hein, vous avez pu entendre. Ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce travail sur le détail, hein, sur le son, sur le travail sur les graduations, sur sa méchanceté. Alors évidemment, dans la forme, on est sur quelque chose de très balisé, très connu, Neurosis évidemment. Ça fait encore plus penser surtout à Cult of Luna, un petit peu Insane. Voilà, c'est un très bel album, Generation of Vipers, une très bonne surprise dans un créneau où c'est vrai qu'il y a eu pléthore et pléthore et pléthore de groupes. Comme tant d'autres créneaux, tu dis souvent, ouais. Mais c'est vrai que c'est une scène assez encombrée, le post-hardcore. Voilà, bon, ça fait juste 15 ans que c'est encombré. Voilà, ça fait 15 ans que c'est encombré, donc voilà. Mais il n'empêche, il y a toujours des groupes pour faire la différence. Et en tout cas, je recommande chaudement ce Hall and Fields de Generation of Vipers. Voilà, parce qu'il fallait choisir un morceau, mais vraiment, ce qui est évidemment intéressant avec ce type d'album, c'est de tout se prendre dans la face. Ça dure 45 minutes, et après une petite fessée. Et au lit avec un peu de... Et tu vois, tu crois t'endormir peinard, bah oui. Et là tu te prends un raz-de-marée dark ambiante. Ah oui, c'est bon. On va s'écouter The North Sea. C'est le projet d'un garçon qui s'appelle Brad Rose, que je ne connaissais pas. Alors quand tu vas sur son profil Discog, il te parle d'un American Folk Troubadour. Alors vous allez voir que l'American Folk Troubadour a changé ses outils, hein. Il a troqué sa mandoline contre le soufre, le mercure, le plomb, l'azote liquide, que sais-je. Ça déferle, et c'est l'album Bloodline sur un label que j'aime bien suivre quand j'ai un petit peu de temps, parce que c'est un label assez prolifique. C'est le label Type Records, dont on avait passé quelques-unes des productions, un petit Sylvain Chauveau par-ci, un petit Svart Griner par-là. Ah, c'est ouvert. Voilà, et à noter que Type Records, il va falloir que j'y retourne, parce que l'actualité fin 2011, début 2012 est très riche en parutions, avec des belles éditions, des très beaux artworks. Pareil que c'est la crise du disque. Voilà, c'est ça, mais pas vraiment chez Type. Donc à nouveau Svart Griner, un mini-album, un Jazz Cammer, à nouveau un Indian Senility, un truc que j'avais pas passé mais qui vaut vraiment le jus, une réédition semble-t-il d'un album de Porter Ricks, et j'en passe, voilà. On revient à Bloodlines, l'album de The North Sea, avec le morceau, j'ai bouffé le nom, Counting Down the Days. Thank you. C'est vrai que les trompettes, là, quand on les écoute comme ça, on dirait le dernier album de Kanye West, mais si vous avez écouté tout le morceau en entier, vous savez très bien par quelle expérience vous êtes passé. C'était un instant, un extrait du nouvel album de Gnoas Hertongs, le hollandais monsieur... Fou. Un peu, ouais, un peu bizarre, c'est vrai, je te l'accorde. J'ai oublié son prénom et son nom, à l'ami Moriès. Voilà, ça doit être son 10e album en 5 ans. Une multitude de EP, etc. Le pendant hollandais, la réponse extrême à Despel Omega, voilà, on va dire. Moi, je trouve ça quand même beaucoup plus abouti que Despel Omega. Mais des fois, c'est son jusque-boutisme, on va dire, de le jusque-boutisme de Gnoas Hertongs, ça lui joue des tours sur le précédent album, c'était un peu too much, ouais, voilà. C'est hyper glauque, hein, c'est d'une rare violence. C'est pas ordinaire, on va dire, et c'est bien, cet album s'appelle Per Flagellu Zegenem Tenebras Venerum. Amen. Et c'est le premier album dont les noms d'albums sont pas en français. D'habitude, c'était hyper pratique. Et là, je sais pas ce qu'il lui a pris. C'est fini. Il a pu mettre les noms de chansons en... Et on a écouté le morceau Todd, Voice Dein Licht. Alors, on va rester dans les esprits. On va rester dans le... Voilà, dans le spirituel, le spiritualisme. On n'éteignait pas les bougies. Il les a éteints, le gars. Je sais pas si t'as suivi, mais le gars, d'abord, il les a éteints. Il les a rallumés, je signale sur la fin. Ouais, c'est pour ça. Avec la bouche. Je veux pas savoir où il se les est mise, mon cher Greg. Tout ce qui m'importe, c'est que... Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de bougies. Hein. C'est que tu aiguises le couteau pour sacrifier la Vierge qui est sur l'autel. C'est vrai. Spirit Transform Me, c'est le nom de l'album qu'on va s'écouter maintenant. Un album en trois parties dans la série des Radical Jewish Culture du label Tzadik de John Zorn. C'était paru en 2008 et les deux artistes sont pas vraiment des inconnus. Oren Ambarki, l'Australien d'un côté, aux collaborations multiples depuis plus de 15 ans, du côté de Chet Touch avec Fenez et compagnie, en solo bien évidemment aussi, avec les Otomo Oshiide, le japonais, Pimon l'australien, John Zorn évidemment, Voice Crack, Evan Parker, et j'en oublie, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, mon cher Igoula, dans une séance de spiritisme, haute en couleur et haute en densité, forte en goût. Et puissante sur la scène du Roadburn avec le combo Sun-O. Et donc Oren Ben embarqué d'un côté, puis Zev, le percussionniste aux 30 ans de carrière qui a joué avec à peu près tout ce que la scène internationale des musiques extrêmes et expérimentales compte de gens de renom. Voilà, ils se sont associés tous les deux pour un album... La douceur, je vous avais dit, moi. Très dense et... Et vraiment, alors c'est pareil, on va s'écouter la dernière pièce des trois, peut-être la plus calme, mais aussi la moins longue, parce qu'on peut pas, non plus passer 3 heures, prendre comme ça 3 heures de nos précieux auditeurs, comme ça, sans. Alors donc, on est obligé de trancher, et on va peut-être trancher écouter on va s'écouter la pièce la moins intense, mais histoire aussi un petit peu de redescendre en pression. C'est le morceau donc Gimel de Oren Ambarki et Zev. Allô, allô, allô, mon cher Greg. Bah oui, Mathieu Delplanque dans le secret du son d'Abba. Mathias. Mathias Delplanque dans le secret du son d'Abba, magnifique. Voilà, le Nantais Mathias Delplanque qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de diffuser dans le secret du son d'Abba, alors que c'est un artiste que je suis assez régulièrement depuis ce qui semble être l'un de ses tout premiers albums que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Ma chambre quand je n'y suis pas, et qui était paru du côté de Montréal chez les Mondes Elliptiques. Et là on est sur un chez un label portugais qui s'appelle Chronica, en collaboration avec le label français manifestement Bruit Clair, qui doit être d'ailleurs le sien, tout simplement. Ça doit être sa propre petite structure à Mathias Delplanque. L'album, il s'appelle Passeport, c'est Passeport, ça ? Alors on est dans un matériau qui est des enregistrements qu'on nomme Field Recording. On en avait un petit peu parlé il y a quelques temps en évoquant le travail de notre camarade Poète Vinto. Ouais. Le field recording, très concrètement, ça consiste assez simplement à enregistrer l'environnement qui est autour de soi. Hein, alors ça peut être aussi bien... Essayant de retoucher le moins possible ou pas du tout, surtout. Alors voilà, au départ c'est ça, et puis ça peut tout simplement être un matériau, et autant effectivement Toe ou Chris Watson font partie de ceux qui y touchent le moins possible. Enfin, je parle de Chris Watson, c'est un des plus connus dans le registre aujourd'hui, le registre du field recording. Et puis là, Mathias Delplanque, lui... l'utilise véritablement comme un matériau qu'il fait entrer dans des compositions qu'il va ensuite manipuler avec, on imagine, ses pads et ses logiciels informatiques pour créer comme ça ces espèces de volutes, ces strates, ces superpositions plus ou moins intenses, avec toujours une mélancolie qui se dégage là, comme à l'image de ce Passeport 3, avec des... Donc souvent c'est vrai que c'est des morceaux qui sont, comme on dit, géotagués aujourd'hui, on sait où ils ont été enregistrés. Alors celui-là, ça a été enregistré du côté de Dieppe, et ça pourrait être en fait un peu n'importe où. On voit bien des bruits de conversation, des bricoles, du micro, du macro, tout ça s'entrelace. C'est vraiment un disque qui ouvre en grand le spectre sonore, c'est vraiment une grande bouffée d'ambiance comme on les apprécie à S'en couler le tournis. On va se quitter, malheureusement, on va quitter ce numéro un peu spécial du Secret du Son d'Abba, un numéro qui s'appelait Ténèbres et Passions. Il y en aura peut-être d'autres. Alors, d'aucuns diront qu'on a passé notre temps au fond de la mine. Je leur répondrai que c'est le moment de sortir avec The Miner's Hymn, l'album de Johan Johansson, dont on va se faire l'extrait final, la conclusion. C'est en réalité donc une bande originale d'un film moi, dont j'avais pas véritablement entendu parler avant d'écouter cette bande originale. Le film porte le même nom, il a été réalisé, ou du moins il est paru sans doute en 2010 ou 2011. C'est un certain Bill Morrison, réalisateur, qui s'emploie justement à magnifier un petit peu l'histoire industrielle anglaise, et du moins la casse de l'ère industrielle sous Thatcher et ses comparses. John Johansson en a écrit la partition musicale. C'est flamboyant, c'est triste évidemment, c'est sombre, mais c'est plein d'espoir. Mais c'est beau. Mais c'est beau et c'est plein d'espoir, à l'image de ce morceau qu'on va s'écouter pour terminer, qui s'appelle The Cause of Labor is the Hope of the World. Voilà, tout un programme. Johan Johansson, c'est ce compositeur islandais dont on avait déjà diffusé une ou deux œuvres par le passé, spécialiste du modern classical, qui lui aussi distille des éléments field, des éléments synthétiques au milieu de ses violonades et de ses envolées orchestral, voilà, c'est toujours très réussi et j'espère que vous aimerez autant que moi. On se dit à bientôt, mon cher Grigola. À très bientôt dans pour la prochaine émission du secret du son d'Abba. On vous embrasse. Ciao. Bonsoir, bonjour, bonne nuit.